AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Si je te dis que t'es grosse et dégueulasse, c'est vraiment pour que t'aies un déclic. Hein. Et si je te dis ça, c'est pour ton bien. Sauf que en réalité, si ça marchait, mais il y aurait pas de gros. J'ai une carie et le dentiste me dit, c'est pas étonnant, faut pas se laver les dents avec du caramel. Mais à qui on dit ça? Enfin, ça on le dit même pas aux enfants en réalité. Ou un dentiste qui n'a pas voulu que je m'allonge sur le fauteuil de soins. Parce qu'il m'a dit, c'est un matériel neuf et j'ai peur que vous le cassiez. Je me suis retrouvée chez un ophtalmo, je devais faire un fond d'œil et sa table, enfin, mon ventre ne passait pas. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Il m'engueule et il me dit, on va pas pouvoir faire une visite normale. Et en fait, il ressort le vieux rouleau avec les lettres qu'il met au mur. Et il se contente de ça, mais il me fait payer quand même 65 euros ma visite. Et il me fait pas le fond d'œil. Place au gros, tous grossophobes. Mon endocrino qui me prescrit une échographie parce que parce qu'il y a suspicion de maladie des ovaires. Et l'échographe qui me dit on va gaspiller l'argent de la sécurité sociale parce qu'on va avoir des difficultés à avoir vos ovaires à travers tout ça. Et le problème alors quand on est gros, c'est qu'on se retrouve souvent face à des médecins pour qui... Quelle que soit la raison pour laquelle vous entrez dans leur cabinet, ils voient que vous êtes gros, ça va être leur problème à régler. Des témoignages comme celui-là, j'ai pu en recueillir des dizaines. Effarants, tous les mêmes. Des femmes et des hommes trop gros qui se font engueuler par un médecin. Le surpoids doit avoir un statut particulier. Il donne visiblement le droit à certains toubibs de bousculer le patient, de lui faire la morale, de le culpabiliser. J'ai découvert que les gros s'échangent des adresses de médecins bienveillants. Des noms circulent sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une liste noire, des anecdotes. Les humiliations et même les insultes relatées par les patients sont inimaginables pour toute autre pathologie. Les médecins ne sont pas les seuls à s'arroger un droit de regard déplacé sur le corps d'autrui. Et c'est ce statut singulier de l'obésité que je veux comprendre dans ce documentaire. Plus simplement, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les gros? Pourquoi est-ce qu'on ne leur fout pas la paix? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre époque? Alors pour moi, les choses étaient simples. C'est une question d'époque, et avant, on tolérait mieux les gros. Regardez la peinture de la Renaissance. Les femmes y sont rondes et magnifiées. Mais avec l'historien du corps Georges Vigarello, j'ai compris que les choses étaient bien plus complexes. De toute façon, ce type de question est nécessairement complexe parce que il n'y a pas d'image univoque. Mais c'est vrai que si on part du chevalier, je trouve que le repère est vraiment important. Le chevalier, c'est quelqu'un qui doit être relativement lourd. C'est quelqu'un qui affronte, très important aussi. Le chevalier est quelqu'un qui mange. Et qui mange beaucoup. Alors les descriptions sont toujours admiratives sur le fait qu'il peut ingurgiter 2 poulets, 3 poulets, évidemment c'est excessif, mais c'est présent dans les textes. Et en même temps, il y a une critique à l'égard du glouton qui investit de façon trop forte, qui mange ce que les autres devraient manger, etc. Mais indiscutablement, ce qu'il faut retenir, c'est quand même l'acceptation de la densité et la grosseur où existe une limite. À partir du moment où il ne peut plus monter sur le cheval, évidemment, ça devient dramatique. Reste qu'il faut différencier la question de l'homme et la question de la femme. Et la femme au Moyen-Âge, elle est évoquée avec l'idée selon laquelle il ne faut pas qu'elle soit trop large de hanches, vous voyez, les hanches bassettes, il faut qu'elle ait des seins qui soient relativement fermes. Donc, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'exigence de ce que moi, je commence à appeler une certaine minceur. Et au XVIe siècle, Georges Vigarello, on commence... finalement à juger moralement le gros sur ce qu'il est en fonction de sa silhouette. Ce qui s'est aiguisé, c'est le regard. Dans le milieu du courtisanat, dans le milieu de la cour, il faut que les femmes soient relativement légères. On a du mal à supporter quelque chose qui est dans la lourdeur. Par exemple, Catherine de Médicis, par certains côtés, elle est critiquée parce qu'elle grossit. Que fait-elle? Elle essaie de lutter contre cette grosseur. Elle fait du cheval, elle fait de la marche. Vous voyez, il y a quelque chose là qui s'installe. Et la différence homme-femme, c'est quand même la suivante. La femme, c'est l'être de l'intérieur. C'est l'être qui reçoit, c'est l'être. Dans la noblesse, c'est une évidence. La dame de cour, c'est celle qui reçoit, celle qui est décor, c'est une beauté au fond de l'apparence agréable. Et l'homme, c'est celui qui est dehors. Donc, étant celui qui est dehors, c'est celui qui est de l'ordre de la force, de l'ordre de l'énergie, qui suppose un corps relativement dense. Je crois que là s'installe vraiment quelque chose qui est une tradition qui, au fond, existait auparavant, mais qui se systématise entre l'investissement de la femme sur certains types d'activités parfaitement spécifiques et l'investissement de l'homme sur certaines activités tout aussi spécifiques, entraînant des différences morphologiques. Quand est-ce qu'apparaît le mot « obésité » ? Le mot « obésité », il apparaît au tout début du XVIIIe. Le dictionnaire de Furtière, qui est le dictionnaire universel, en 1690, ne comporte pas le mot « obésité » et dans sa seconde édition du tout début du XVIIIe, il comporte le mot « obésité ». Et il renvoie évidemment au fait que, à la limite, c'est une pathologie. Alors, les exemples du 18e sont tout à fait intéressants parce que il se pèse pas. Il y a très peu de pesées encore, au 18e. La pesée n'intervient que beaucoup plus tard, au 19e. Donc, ils mesurent leur tour de taille avec une ficelle, et puis ils constatent que la ficelle, de plus en plus, il faut qu'elle laisse de la place, voyez. Le corps qui grossit, c'est un corps qui se lâche pour le 18e. Trois tempéraments sont généralement admis. Le tempérament sanguin, le lymphatique et le nerveux. L'observation démontre que c'est parmi les individus à tempérament lymphatique que l'on rencontre le plus d'obèses. Les lymphatiques sont souvent grands. Ils ont les cheveux blonds ou châtains, la peau blanche, lisse et unie, les chairs molles, les orifices muqueux peu colorés, les muscles pâles, l'allure lente et la voix peu sonore, les dents mauvaises, les mains et les pieds volumineux. Dans son dernier degré d'exagération, le tempérament lymphatique constitue une infériorité de race. Le sang est lancé avec moins de force dans le cerveau qui, présidant toutes les fonctions d'innervation, réagit sur elles pour diminuer leur activité. Et chaque fois que nous rencontrerons chez un individu cette espèce d'inertie, nous trouverons presque toujours l'obésité. 1859, de l'obésité. Charles-Camille Minel, ancien interne de l'asile public d'aliénés de Maréville. Alors, pour entrer dans le 19e siècle, oui, là, on a plusieurs phénomènes intéressants. On a cette différenciation qui s'accentue entre hommes et femmes, l'assignation des rôles féminins et l'assignation des rôles masculins. Et on voit aussi émerger cette figure du bourgeois, oui, avec cette opulence, ce ventre, en quelque sorte le pouvoir et l'opulence financière. Oui, parce que ce que vous dites au fond et qui est important, c'est qu'il y a toujours une ambiguïté sur le gros. Vous avez effectivement d'un côté ce que vous évoquiez, à savoir le bourgeois qui monte son opulence, son ventre qui le précède dans une certaine mesure. J'entretiens mon ventre au majestueux, dit Brillat Savarin. Bon, très bien. Mais d'un autre côté, vous avez aussi déjà cette critique. C'est-à-dire que le jeune, le dandy, c'est pas celui qui se laisse, au fond, envahir par la graisse. Et la graisse commence à être travaillée, commence à être distinguée. Il y a une chimie qui commence à spécifier la graisse au 19e siècle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous évoquez Brillat Savarin, donc j'imagine que c'est dans Une physiologie du goût. Oui, c'est dans La physiologie du goût qui est publié en 1826. 1826, alors il décrit porter le ventre en majesté, mais exact. Il écrit aussi, me semble-t-il, des recettes pour maigrir. Donc mais c'est déjà de l'inquiétude en fait sur le corps. Vous avez absolument raison, c'est très important Brillat Savarin, parce que à la fois il décrit des recettes et il montre que ces recettes sont relativement nouvelles parce que la graisse est décrite autrement. à savoir que c'est un composé chimique dont l'origine est entre autres le sucre. Donc, un certain nombre de produits qui auparavant étaient très consommés commencent à être contestés. Les biscuits, le sucre, etc. Et il dit, voilà, ce que j'aimais auparavant, je ne peux plus le manger. Il décrit avec précision l'obésité. C'est-à-dire que l'obésité, c'est la perte des formes. Donc, jamais je ne me laisserai envahir par l'obésité. Et il décrit le décès d'une de ses amies en regrettant follement le fait que pour mincir, pour maigrir, elle ait dû recourir à l'acide qui l'a tuée. Donc, à cette époque, on consomme du citron, de l'acide. Oui, l'acide et le citron restent extrêmement présents, oui, absolument. L'acide et le citron ne sont que les plus civilisés des divers supplices auxquels les femmes se soumettent dès le XVIe siècle. Il faut déjà se conformer à un idéal de beauté, bien loin des plantureuses de Rubens. Des sangles, des lacets et même des lames de fer étranglent la taille et l'estomac. Cette torture ne prend réellement fin qu'avec la Première Guerre mondiale. Les hommes sont au front, les femmes ne peuvent pas dépendre des hommes, le corset est incompatible avec leurs nouvelles tâches. Mais si une servitude disparaît, une autre s'impose à la une des magazines. L'image de la garçonne apparaît, elle a le devoir d'être longiligne. En résumé, les gros continuent de souffrir et le sujet fait son entrée en littérature populaire. Il faut avoir grossi durant des années pour comprendre l'amertume du souvenir et l'épouvante des constatations. Le martyr de l'obèse, écrit par Henri Béraud, reçoit le prix Goncourt en 1922. Vous, les poids moyens qui ne changez pas, ne pouvez savoir ce que nous éprouvons lorsque nous retrouvons d'aventure au fond d'une armoire le gilet d'il y a 2 ans ou la culotte de l'autre saison. C'est plus fort que soi, on veut essayer. Le démon de la curiosité est en vous, qui s'empare de ce vêtement funeste et pernicieux, témoin d'un temps à jamais regrettable. On obéit avec une espèce de hâte fébrile, on essaie d'entrer dans ce pantalon dont le fond craque, de boutonner ce gilet dont les devants, pris l'un pour l'autre d'une insurmontable aversion, refusent de se réconcilier sur votre panse. Quel sale moment! Tous les gros le connaissent et le connaîtront encore. Le jour où j'atteignis 100 kilos, ce jour-là me remplit d'un chagrin si pathétique, monsieur, que je poussais sur la bascule de vrais cris de tragédien. Puis, comme il arrive toujours après les grandes douleurs, je sombrais, 3 mois durant, dans la trouble mélancolie des bêtes allaitables. Quant à vous dire, monsieur, ce qui m'amène en ville, c'est une autre affaire bien délicate. Mais vous m'inspirez confiance, je vous vois ce soir pour la première fois, et pourtant il me semble que vous me comprendrez. Oh, ne vous attendez pas à des confessions mystérieuses. Un homme qui remplit bien son pantalon est rarement un homme compliqué, est-ce vrai? D'un mot, je vais tout vous dire. Je suis amoureux. Parbleu, vous riez, je m'y attendais. Je suis amoureux, voilà qui fait rire tout le monde. Le soupir est interdit à l'hippopotame, et Venise n'est pas faite pour les cachalots. Eh bien, riez, monsieur, tant qu'il vous plaira, riez comme les autres et avec les autres. Toute la gaieté de la terre n'empêchera pas le bel amour. L'amour ingénu, câlin, timide, attendri, confiant, bébête, humble et reconnaissant, de s'être aujourd'hui réfugié dans le cœur des pataux, fait comme votre serviteur. Ce qui est mis en scène là, c'est plusieurs choses. C'est à la fois le fait qu'il se sent rejeté d'une manière un peu globale par son milieu. Mais deuxièmement, il se sent rejeté dans le cadre de la séduction. C'est-à-dire qu'il est amoureux d'une femme qui ne le supporte pas parce qu'il est gros. Et troisièmement, tout aussi important sinon davantage, il ne parvient pas à obtenir un métier dans le tertiaire, dans une compagnie d'assurance, parce qu'il est trop gros et trop lent. Donc on lui dit, ici, nous ne voulons pas des poupards, maigrissez et revenez lorsque vous aurez maigri. Donc vous voyez, ces trois exigences sont extrêmement intéressantes. en particulier la dernière, parce qu'elle commence à porter sur ce que j'appellerais moi une société du tertiaire, qui s'intéresse à l'apparence des gens. C'est la naissance de la grossophobie. C'est la naissance de la grossophobie, on peut dire ça. Évidemment, la grossophobie n'a fait que grandir avec les décennies, mais incontestablement, après la guerre de 14, cette exigence-là est présente, et je pense qu'elle est liée à une société du tertiaire. Dans la mesure où nous sommes des sociétés techniques, vous comprenez, où on peut agir sur soi, où tout est possible, où la médecine est partout, etc. On considère, je reviens à ma phrase, on considère que celui dont le corps est envahi par la graisse, c'est celui qui ne se surveille pas. C'est celui qui ne sait pas appliquer les régimes élémentaires qui sont à la disposition de tous. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui est très important à mes yeux, c'est que vous commencez à avoir ce que j'appellerais moi des obésités irrépressibles et donc des accentuations de souffrance parce que ils sont à la fois stigmatisés parce que leur apparence est disgracieuse et ils sont stigmatisés parce que leurs efforts n'aboutissent pas, sous-entendu, vous ne faites pas d'efforts. Alors ce qui nous fait entrer dans le 20e siècle avec l'aspect capital de la minceur, mais aussi donc l'aspect sportif. Ça devient un critère. Mais moi, je pense que ce qui caractérise le 20e, bien entendu, c'est un corps tonique. Aussi bien d'ailleurs la femme. Hein. La femme commence, je pense, au roman de Colette. Vous voyez, dans les romans de Colette, vous voyez, j'ai 20 cas qui courent dans le blé en herbe, qui courent vers la plage. Elle a des muscles longs et elle a des muscles visibles. Donc il y a quelque chose effectivement là qui se produit, qui est de l'ordre de la tonicité, de la musculature, de l'efficacité. Et puis, ne l'oublions jamais, un repère technique, la balance. Et un travail immense pour arriver à mettre en place la balance. La balance, ça n'apparaît que dans le dernier tiers du 19e. Vous le voyez dans le fait que des balances commencent à s'installer dans des espaces publics, entrées des gares, mais c'est vraiment début 20e. Mais le régime qui se traduit par la minceur, moi je pense que c'est fin 19e seulement. Avec une différence quand même, qui est incontournable, que l'on voit très bien aujourd'hui, c'est que, au fond, les pauvres commencent à se distinguer, alors que jusque-là, ce n'était pas du tout le cas, commencent à se distinguer en devenant gros, parce qu'ils mangent des matières qui sont peu surveillées, grossières, etc. Alors que c'est plutôt dans l'espace, appelons-le bourgeois et nanti, que la minceur s'impose. Ça, c'est très important. Et on le voit très très bien, cela. On le voit très très bien dans les images des années 30 et évidemment après. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des bourgeois relativement affinés, et des populaires dont on repère absolument la présence par la pauvreté de l'habit, la grossièreté de la tenue, etc., qui sont totalement opulents. Et ça, c'est une véritable inversion. Parce que c'est une totale inversion. Jusqu'ici, quand même, le gros, c'était le nanti. Évidemment, c'est une totale inversion. Gaston, Maurice ou Falenfin. Aimer des petites femmes aussi plates que des planches à pain. Je sais bien que c'est très à la mode et que dans le métro, c'est plus commode. Excusez-moi de passer, excusez-moi de m'asseoir dans le métro, excusez-moi de faire ci. Ouais, mais moi je m'assois plus dans les rangées centrales. Moi je le fais, mais il y a des journées où ça me coûte beaucoup. Des fois je me mets dans des positions vraiment inconfortables pour prendre le moins de place possible. J'étais dans le métro, dans la ligne 5 à Paris, j'allais rejoindre des amis, et puis quelqu'un est rentré dans le métro, il était assez agité, et puis il a commencé à m'expliquer que je prenais beaucoup trop de place, que c'était une honte, tous les poncifs habituels, le côté t'es fainéant, regarde comment t'es, tu me dégoûtes, t'as rien à faire là, rentre chez toi, cache-toi. En fait, il a dit tout haut un peu ce que pas mal de gens pensent tout bas en réalité. Mais voilà, en plus, c'est intervenu. Enfin, un an avant, je m'étais pris une baigne, une terrasse à Lille. Pareil, c'était gros porc, bam. Enfin, j'ai encore le petit stigmate que ça m'a l'air. Vive les grosses dames, surtout devant les autos. Pour se garer, c'est bien mieux, je le proclame. Lorsque sur vous arrive une 30 chevaux, on se cache derrière Et lorsque vient le coup, faut pas s'en faire. On ne risque rien du tout. Des collisions, l'on se moque. Les gros apports, ça fait bloc. Vive les grosses âmes, comme par choc. On n'aime pas les gros. Donc on regarde ceux qui le sont avec rejet. Ils représentent quelque chose qu'on ne voudrait surtout pas devenir. Catherine Grangeard, psychanalyste. Si on est gros, on est quelqu'un qui échoue à se maintenir en forme, mince, désirable, comme tout dans notre société nous y invite. Le paradoxe d'une société, c'est d'idéaliser un type de corps qui ne correspond en rien à un mode de vie qui est par ailleurs prôné. Donc vous êtes dans une injonction paradoxale, quelque chose qui rend fou. Nous avons des produits qu'on nous dit d'acheter, mais peut-être on ne doit pas les consommer, on doit juste payer pour, je ne sais pas. Vous devez être mince, mais vous devez jouir de la vie. Et jouir de la vie, c'est les bonnes choses. Les bonnes choses, est-ce qu'elles font grossir ? Probablement plus que un régime haricot vert. On ne dit pas la société vous rend gros. On dit faites un régime. Les dimanches matins, mon père allait acheter des viennoiseries, donc il en prévoyait deux par personne. Mais quand je prenais les deux, il me disait mais t'as trop mangé. Et à côté de ça, il était capable, je sais pas, de prendre une caisse de religieuses et de manger la caisse de religieuses à s'en rendre malade. Il y avait quelque chose d'hyper compulsif. Mais en fait, mes deux parents avaient des troubles du comportement avec l'alimentation, même si c'était pas. Enfin, aujourd'hui, on parle de troubles du comportement avec l'alimentation, mais ma mère, en fait, a toujours eu ce truc où elle se nourrit très peu, mais elle a besoin de nourrir l'autre. Ça en est pathologique, en fait. Les repas qu'elle fait pas, elle vous les fait manger. Hein. Enfin, c'est assez impressionnant. Quand vous êtes gros, la première chose qu'on vous renvoie, c'est votre corps. C'est pas de savoir pourquoi vous allez. Est-ce que vous allez pas bien? Et si oui, pourquoi? C'est t'as grossi, fais attention, mange moins. C'est des injonctions qui sont très violentes à vivre au final et qui sont pas du tout bienveillantes pour le coup. Enfin, on est vraiment dans l'idée gros tas, bouge-toi. Faut que tu. Enfin, c'est une question de motivation. Si t'en es là, c'est parce que tu l'as bien voulu. Quelque chose qu'on dit jamais par ailleurs à quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit. Et je trouve qu'il y a une situation qui est assez similaire pour les personnes qui mangent beaucoup que pour les personnes, par exemple, qui consomment des drogues, qui sont vues aussi comme étant des personnes qui l'ont bien cherché, sont incapables, sont pas accessibles aux règles de l'hygiène et de la santé, ce genre de choses. On vit dans une société qui est addictogène. Et je trouve que sur la question de l'alimentation, on considère que la volonté simple, elle permettrait de tout régler. Et on vous renvoie en permanence l'image du fait que vous êtes fainéant, défaillant, incapable, ce genre de choses. Écoutez le mot bonbon. C'est mauvais, mauvais à votre avis? C'est un plaisir, la nourriture. Eh bien, ce refuge dans ce plaisir-là, quand d'autres plaisirs sont trop compliqués, c'est en vente libre. Donc le refuge est une consolation que vous trouvez dans toutes les boulangeries, dans toutes les épiceries, partout. Et c'est bien vu, bien mieux vu que d'aller boire un coup à 14h, ou bien mieux vu que d'aller fumer un joint. Donc du coup, nous sommes encouragés à aller chercher du bonbon. Mais on déteste les excès. On déteste l'alcoolique, on déteste le gros. Cessons de dire c'est un refuge pour eux. Non, pour nous. Nous sommes comme eux. Il n'y a pas eux et nous. C'est faux. Nous sommes tous pareils. Donc c'est absolument scandaleux de se permettre d'aller dire pour ton bien, hein, il faudrait que tu fasses attention, il faudrait machin, mais pourquoi t'en reprends, mais ne te sers pas, mais t'es pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quel est ce sadisme? C'est vous qui avez un problème avec le corps de l'autre. La question de la grossophobie, elle commence forcément à la maison avec « arrête de manger ça, t'es trop grosse, mais en même temps, vous êtes enfant et on vous le propose. » on vous gronde parce que vous en reprenez. Enfin, c'est des tas de situations qui, avec le recul, je trouve hyper ambivalentes, en fait. Pour moi, c'est exactement comme la société dans laquelle on vit. Ce que j'ai vécu dans ma famille, ce microcosme familial, on est dans une abondance de quelque chose, mais on reproche aux gens d'y avoir recours à cette abondance. Et donc, on est dans une société obésogène et obésophobe. L'ambivalence, elle est là aussi. Chez Gabriel, Enzo, Axel, Julie et les autres, les souvenirs d'enfance remontent comme des bulles d'air à la surface d'un lac. Souvent, je n'ai pas besoin de leur poser la question. Ils m'en parlent spontanément. Mécaniquement, les miens remontent aussi. Je croyais les avoir oubliés. Il s'appelait Marc. Il était petit et gros. Je faisais partie de ceux qu'il méprisait. J'ai grandi en ZEP, dans un collège violent. Alors je lui ai mis quelques claques. Parce qu'il était gros. C'était le genre de choses qui se faisaient. Et puis, Marc a eu une copine. Je l'ai vu changer. Un jour, je lui ai donné la pichenette de trop, sur la joue. « Maintenant, tu fermes ta gueule. » C'était ses mots exacts. Je l'ai senti déterminé. Je n'ai plus jamais eu envie de l'embêter. Moi, ce qui m'a marqué, c'était parfois le regard un peu de dégoût que pouvaient avoir les camarades de classe au sport, par exemple, dans les vestiaires, ce genre de choses. Je pense que j'avais une sorte de... Comment dire ? Une sorte de superposition de stigmatisation qui se mettait en place. La première, j'étais gros. Je pense que c'est ce qui se voyait en premier. La deuxième, c'était pauvre. Ça se voyait quand on se rapprochait un peu de moi. Parce que j'avais des... On s'habillait, c'était deux joggings chez Decathlon. Donc c'est à ce moment-là qu'on finit par se replier un peu sur son corps. Et je pense que ça crée un effet encore plus catastrophique. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du tout se montrer. On fronde des stratégies d'évitement pour pas aller au sport. J'avais mis une stratégie qui était assez originale, c'est que j'étais le meilleur ami du prof. C'est-à-dire, c'est moi qui rangeais les tapis, qui était toujours à l'avant, qui repartait après. Et du coup, le prof me faisait pas chier. Et quand les autres étaient un peu trop pénibles avec moi, j'étais le faillot en fait, hein, c'était pas un statut social, c'est un peu précaire à l'école. Mais du coup, ça permettait d'installer un petit peu la paix sociale. C'est-à-dire que j'avais un peu le totem d'immunité grâce à ça. C'est ce qui me sauvait un tout petit peu. Et puis après, ce que je dis, c'est-à-dire c'était vraiment les stratégies d'évitement complet des vestiaires, par exemple. J'étais capable d'aller me changer dans les toilettes du bâtiment scientifique plutôt que de me changer au vestiaire de sport. Mais ça finit par se voir, ça. En fait, ça se voit, mais les autres sont très contents que je débarrasse le plancher, en un sens. Enfin, je sais pas comment le dire, mais en dehors des quelques amis que je pouvais avoir, mais c'est quelque chose qui semble normal. C'est normal qu'on soit invisible. Puisqu'on n'a pas notre place. Que les personnes différentes s'éloignent du groupe, le groupe, il ne ressent pas un malaise face à ça. En fin de seconde, je pèse 65 kilos et à la rentrée en première, j'en pèse 96. J'ai des problèmes hormonaux, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, mes camarades, la plupart ne m'ont pas reconnue. Donc ça a été quelque chose d'hyper violent à vivre. Je devais intégrer une classe qu'on appelait une classe rousse. C'était une classe, en fait, c'était une première S, où il y avait un projet pédagogique. Et en gros, en octobre, on partait faire une randonnée en Maurienne. Et donc moi, quand j'avais fait ma demande pour entrer dans cette classe, je pesais 65 kilos. Sauf que, on n'avait pas prévu que j'ai ces gros soucis hormonaux et que je prenne 30 kilos en 3 mois. Et à la rentrée, en fait, je me fais convoquer par les profs et les profs me disent que c'est scandaleux, que j'ai piqué la place de quelqu'un qui aurait pu faire ce voyage. Je suis allée voir mon médecin, je l'ai supplié, je me roulais par terre pour qu'il accepte que je puisse faire ce voyage en Maurienne. Sauf que si j'étais hyper sportive avant, 30 kilos de plus, avec des randonnées de 15 à 20 kilomètres en moyenne montagne, je les ai pas supportées. Au deuxième ou au troisième jour, on a décidé de me laisser en fait à l'hôtel et de plus m'amener en randonnée. Chaque jour, c'était un prof qui devait se dévouer pour rester avec cette grosse qui peut pas bouger. Et je me suis faite humiliée par mes enseignants. Ça a été quelque chose d'hyper violent. Et j'ai même été convoquée par l'infirmière du lycée. Et donc je me dis, bon, ben, l'infirmière, elle va enfin me poser les questions et je vais enfin pouvoir expliquer ce que je suis devenue, pourquoi je suis comme ça. Et en fait, l'infirmière, elle me dit, ah non, mais Gabrielle, vous savez, quand on est gros, il faut apprendre à se nettoyer. Pensez bien à décaper entre vos bourrelets parce que vous pouvez avoir des mycoses odorantes et on sait que les gros, ça sent pas bon. Et là, en fait, c'est... pour moi, c'est pas possible d'entendre ces choses-là. Je me retrouve pour la première fois de ma vie à être isolée à l'école et c'était hyper dur à vivre. Quand on est revenu de cette classe rousse, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'elle était en automne et pas... classe rousse. À la rentrée, en fait, j'ai été lynchée, humiliée par ma prof de français, parce qu'elle avait fait partie de ces profs qui avaient dû sacrifier une journée de randonnée pour rester avec moi. Et en fait, il y a un moment dans la classe, c'était une prof très sévère, très dure, elle faisait pleurer tout le monde, et elle fait pleurer une fille, une camarade. Et moi, en fait, je tends un mouchoir à la camarade et la prof en profite pour me tomber dessus et pour me dire « Mais Gabrielle, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « Bah, vous la faites pleurer, je lui donne un mouchoir, c'est tout. » Et donc là, pour elle, c'était la provocation ultime. Et elle commence à me dire « Mais les déchets comme toi n'ont pas existé. » Elle dit que je suis un monstre, que je suis dégueulasse, qu'elle n'arrive pas à me regarder. Et d'ailleurs, on a fini l'année où elle m'a interdit de cours de français. Et pendant que mes camarades étaient en français, moi, j'étais toute seule en permanence, en fait. Ça n'a choqué personne. Et j'ai un camarade qui trouvait ça dégueulasse et qui avait décidé de lancer une pétition. Et ils ont été deux à la signer. Et là, je me suis dit, mais au secours, quoi. Honnêtement, pendant des années, j'ai réfléchi à tout ça. Et j'ai jamais compris que toute l'équipe enseignante m'ait lâchée sur cette affaire, en fait. Ma mère était intervenue, elle est allée au lycée voir la CPE et pour lui dire que c'était pas normal qu'on me traite comme ça. Et en fait, ça a pas empêché qu'on continue à me maltraiter. Et à l'époque, en fait, on était dans une situation familiale qui était assez particulière parce que mes parents s'étaient séparés. Mon père vivait dans une voiture, on était vraiment dans une grande précarité et du coup j'épargnais beaucoup ces choses-là à ma mère. Donc je me suis retrouvée en terminale à pas savoir où j'étais, pourquoi j'étais là. Et là, mon corps a décidé qu'il pourrait plus bouger et je pense que c'est comme ça que j'ai somatisé pendant des années. Et que j'ai été en échec pendant ces années lycée, en fait. Le matin, quand j'étais dans mon lit, je n'arrivais pas à me lever. Ma mère venait, elle me disait, mais Gabi, là, il faut que tu ailles au lycée. Et mon corps était... comme si mon corps était un sarcophage, en fait, et que, enfin, comme si j'étais à l'intérieur d'un cercueil et que je pouvais pas en sortir. Mon corps refusait que je puisse me mouvoir. Enfin, je pense que... De 17 à 20 ans, ça doit être les pires années de ma vie. Pourquoi il y a tant de gens qui prennent du poids au moment de la puberté? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas qu'une histoire d'hormones. Un certain nombre de personnes qui sont en obésité ont d'abord un gros problème avec la vie. La nourriture est venue comme une solution avant d'être le problème. Le problème est ailleurs. Et dans cet ailleurs-là, qui a envie d'aller? Pas grand monde. Même le patient préfère passer quelques jours à l'hôpital et avoir comme recette un régime alimentaire et puis faire du sport. Donc effectivement, C'est beaucoup plus simple de se dire, est-ce qu'elle mange équilibré? Est-ce qu'elle fait assez ses 10 000 pas par jour? On devrait plutôt se dire, pourquoi est-ce qu'on est dans un besoin de se remplir? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce besoin de trouver plaisir et refuge dans ce que j'avale? C'est pour ça qu'à chaque personne, moi je lui demande de me parler d'elle, et non pas regarder un IMC, oui vous devriez maigrir. Moi j'en sais rien si la personne elle doit maigrir. Parce que parfois, se protéger est plus vital que se mouvoir aisément. Et si être bien dans sa peau, ça veut dire avoir un surpoids, pourquoi pas? Ce qui vous fait du bien dans la vie? Oh, ben, ce qui me fait du bien, bon, qu'on me fiche la paix. Mais ce qui me fait du bien, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait du bien, c'est d'aller faire un soin chez l'esthéticienne une fois par mois, que j'ai de l'argent ou pas, je le sacrifie. Mais parce que j'ai besoin de ça, en fait, j'ai besoin de me dire que, ouais, enfin, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. La norme est un rouleau compresseur qui se moque même de la silhouette. On n'est jamais assez bien, jamais assez mince. T'as arrêté de fumer? Ouais. Et t'as pris du poids en arrêtant de fumer? Ouais, j'ai pris 4 kilos. Là, je suis avec Julie. Elle ressemble à Jane Birkin à 25 ans. Cela donne une idée de sa silhouette. Chez elle, une bonne moitié de la bibliothèque est consacrée aux questions féministes. J'ai pris du poids depuis que j'ai diminué le dosage de nicotine. J'ai pris 4 kilos. C'est difficile. Je déteste mon corps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu détestes ton corps? Ouais. Depuis longtemps? Je saurais pas dater depuis quand, mais depuis la fac. Donc oui, ça commence à faire un certain temps, ça fait 25 ans. Ouais. Quand je suis arrivée à la fac, je crois que oui, j'ai dû changer d'alimentation fatalement. Et mon corps a bougé un peu et j'ai commencé à me trouver grosse. Et aujourd'hui? Je me trouve encore plus grosse. Aujourd'hui, tu vois, c'est l'été, j'ai du mal à me mettre en maillot de bain, j'ai du mal à mettre des jupes courtes, j'ai du mal à... Je me cache un peu. Et quand je monte sur la balance, si j'ai pris 2 ou 3 kilos, ouais, là je me cache. Dès que je me trouve ronde et tout ça, je me trouve... Je déborde, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que je... C'est comme si d'un seul coup, je prenais de la place. Mais ma mère avait cette exigence sur le corps. Et je pense qu'elle était assez fière que je sois une enfant très très maigre. Et... Elle était très exigeante sur les corps. Elle m'a fait faire de la danse classique pour dompter le corps, je crois, pour lui donner une forme, une discipline. Ma mère était obsédée par l'ordre aussi. L'ordre, une maison plus que propre. Je me souviens d'une anecdote idiote, mais elle m'avait acheté à un moment donné une moquette... bleu marine, très épaisse. Et quand on marchait, même en chaussettes ou pieds nus, on laissait toujours des micro-poussières, des micro-traces. Et elle m'avait acheté une brosse pour ôter ces poussières à chaque fois que je marchais. Donc, quand je marchais dans ma chambre, ensuite, il fallait que j'efface mes traces. Et quelque part, être mince, c'est aussi peut-être s'effacer un peu, je ne sais pas. Mais... Est-ce que tu vis mieux le rapport à ton corps aujourd'hui que quand tu avais 20 ans? J'aimerais dire oui, mais non. Non, j'ai lu, j'ai milité, j'ai discuté, j'ai râlé, ça a été une part importante de ma vie, au travail féministe, de militer, etc., etc. Enfin, c'est désolant, en fait, comme constat, ce que je suis en train de raconter. Mais non, ça m'aide pas, non. T'aurais pu devenir grossophobe. Envers moi, oui. Je supporte pas la moindre rondeur chez moi. C'est dingue. Alors que je suis largement plus touchée et plus émue et par les rondeurs des femmes au cinéma, à la plage. Au contraire, je l'apprécie beaucoup chez les autres. Bon, je m'appelle Axel, j'ai 27 ans, je suis professeur des écoles et j'habite à Paris. Je travaille en Seine-Saint-Denis, dans une école de Saint-Denis. Et je suis grosse. Je suis pas une très grosse, mais je suis suffisamment grosse pour que les autres le regardent. Assez pour l'oublier, mais pas assez pour que voilà, le regard de l'autre l'oublie. Pour Axel, les choses se sont passées autrement. C'est justement le fait d'être grosse qui a déclenché son désir d'en faire un enjeu politique. Elle est énergique, porte bien ses 100 kilos. Elle m'accueille en jean moulant, en brassière joliment décolletée et n'a visiblement pas l'intention de se cacher. En fait, j'ai souffert de grossophobie avant d'être grosse. Et c'est un engrenage qui m'a transformée en grosse. C'est la peur d'être gros qui m'a transformée en grosse. En fait... Mes parents ont toujours eu peur que je devienne grosse. Peur que je trouve pas de travail, que je trouve pas de mari. Et que ma vie soit nulle, quoi. Tout simplement. Donc ils ont voulu contrôler ça. D'autant plus que je suis une ancienne maigre. Quand j'étais petite, j'étais très fine. Et c'était quelque chose de très valorisé dans ma famille. J'avais peur, je sais pas, de cette déchéance sociale qu'ils associaient au gros. Donc avant, j'étais très maigre, je faisais 45-50 kilos. À mon adolescence, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, en fait, à prendre des hanches, comme n'importe quelle jeune fille. Et j'ai pris d'un coup 20 kilos, et ça a été très dur pour moi et dur pour eux. Parce qu'ils pensaient que cette silhouette longiligne allait rester. À l'époque, j'ai eu très peur aussi, donc j'ai commencé, en fait, à réduire mes aliments. Et puis... Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Ce que je me souviens, c'est que vers 16-17 ans, ma mère s'inquiétait beaucoup parce que je mangeais énormément. Et ça faisait beaucoup de conflits à la maison parce que j'avais faim, j'avais envie de manger. Et on me reprochait en fait cette faim. Et malheureusement, c'est l'époque où ça correspond aussi à des dépressions nerveuses et des dépressions où j'ai besoin de manger en fait pour me sentir bien. Parce que j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre solution à m'apporter. Donc je mange. Et je cache de la nourriture dans ma chambre. Je prenais des boîtes de conserve froides que je mangeais directement. Ou même des pâtes crues que je mangeais, parce que ça me remplissait, mais n'importe quoi. Et comme ça, je me cachais, en fait. Ça permettait de... de manger tranquillement, sans le regard de l'autre. J'ai un frère. Et mon frère n'a jamais vécu cette pression. Ça n'a été une pression qui n'a relevé que de moi, l'aîné, et un petit peu de ma sœur aussi. Mais mon frère, non, on l'encourageait à se resservir parce que c'était un garçon. Et mon frère, il est fin, il est musclé, il n'a pas de problème de santé. Ma sœur, elle est pareille, elle est aussi fine et musclée. En fait, je suis la seule des trois qui est grosse. Actuellement, la personne qui a autant de poids que moi, c'est ma grand-mère. Alors c'est un peu source de moquerie dans ma famille, mais bon... Moi, je ressemble à quelqu'un. Pendant longtemps, ma famille m'a mis énormément de pression sur le dos et pression qui, à un moment donné, ça a pu être gérable pour moi. Et je me suis retrouvée il y a 7 ou 8 ans dans un hôpital psychiatrique, hospitalisée pendant 5 semaines, parce que je ne gérais plus la dépression et que je voulais pas mourir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris aussi que me mettre la pression, ben, c'était pas une bonne solution pour me faire changer. Que ça allait pas m'aider, en fait. Parce qu'ils ont compris que c'était une histoire de survie, en fait, qu'à un moment donné, ils pouvaient pas continuer à me faire mal comme ça. Vous lui en avez voulu à votre mère ? Énormément. Le jour où mon père est parti, d'un coup, ses barrières psychologiques se sont cassées. Tout ce que mon père avait mis comme limite dans sa tête, il faut que tes enfants ils soient comme ci, il faut que tes enfants soient comme ça. Tout ce qu'elle s'était dit en tant que femme, toute la pression qu'elle s'était mise, tout ça, ça s'est effondré. Et je me rappelle, la semaine suivante sa séparation, je lui ai tout balancé. Tout. Mais c'était comme du vomi, en fait. Ça sortait. Tu m'as torturé en fait avec ce que t'as fait, avec ce contrôle alimentaire, ça fait que j'en suis aujourd'hui là. Ça a été de la torture, ça a été du harcèlement. Ça a été horrible. C'était il y a 5 ans. Donc j'avais 23 ans. Et je faisais le même poids qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 100 kilos. Et là, elle l'a entendu, elle a compris qu'en fait... J'étais pas grosse juste parce que j'en avais envie, j'étais grosse parce que c'était le fruit d'un processus long et construit. Et que aujourd'hui c'était pas grave d'être grosse, mais que ça avait une origine et qu'elle était pas forcément de mon ressort. Donc ça, elle l'a compris entre temps. Et son comportement vis-à-vis de moi a vraiment changé. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est bien aussi de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais comprendre qu'on a fait une erreur et revenir dessus, c'est encore autre chose. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'y en veux plus. Et que le dialogue est possible. Aujourd'hui, je la vois des fois, elle a envie de me faire la remarque. Je la sens. Puis elle me regarde et... Ben non, laisse-la tranquille. Et puis elle sait déjà, à mon air, elle sait déjà ce que je vais lui répondre. Après, ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'elle-même a compris qu'elle avait une relation compliquée à son corps. Elle a compris que, par exemple, elle avait une relation presque anorexique. Alors je dirais pas anorexique, mais en tout cas de contrôle excessif sur sa nourriture. Et elle comprend elle aussi aujourd'hui qu'à 50 ans, quand elle pèse 47 kilos ou 46 kilos, elle n'est pas belle. Elle comprend qu'elle est marquée, qu'elle n'est pas bien dans son corps, que c'est pas forcément une bonne chose. Et ça me fait plaisir aussi de la voir s'en rendre compte. La maigreur n'est pas une fin en soi. Et ce qui compte, c'est de se sentir bien, ça commence à le acter tout doucement. Puis ma sœur, elle a eu honte de moi pendant très longtemps. Parce que j'étais la sœur grosse, elle voulait pas me sortir, elle voulait pas me montrer. Et elle avait honte parce que j'étais grosse, j'étais exubérante, j'aimais parler, j'aimais rire fort. C'était un ensemble en fait, on me voyait, tout simplement. Puis un jour, elle a rencontré une copine. Puis cette copine, elle avait une sœur grosse, elle aussi. Puis elle s'est dit, mais c'est chouette, c'est des sœurs, elles s'aiment. Pourtant, il y en a une grosse, une mince, et elles ont pas de soucis. Et à partir de là, ça a changé. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents ? Alors, mon père, il était chef d'entreprise. Il avait une grosse entreprise à un moment. Et ma mère, elle est prof de français dans un collège. Voilà. C'est un milieu plutôt aisé. C'est un milieu, j'ai grandi avec... Avec une certaine aisance financière, j'ai connu des choses que je ne pourrais plus connaître aujourd'hui. Je pense que c'est de ça mes parents avaient peur aussi. Je pense qu'il y avait aussi de ça. La peur d'être dans une certaine classe sociale et de ne pas correspondre aux normes de cette classe sociale. Et dans cette classe sociale, on n'est pas gros ? Non. Non, on est mince. J'avais toutes les attributs d'une jeune fille bien, sous tout rapport, de la moyenne bourgeoisie. C'est-à-dire que j'étais jolie, j'étais intelligente, j'étais cultivée, mais j'étais grosse. Et ça allait pas. C'était vraiment la mauvaise case cochée dans le tableau. Et c'était quelque chose qui, par exemple, gênait énormément mon copain de l'époque. C'est le fait de ne pas avoir la bonne apparence. Il n'arrivait pas à passer au-dessus de ça. Je me rappelle de choses très violentes qu'il m'a dit à l'époque. Il m'a dit des choses du style « Oh, tu te rappelles, il y a 2 ans, mes copains, ils disaient que t'étais bonne. » Oui, bon, alors, on était jeunes. Et après, ils me disaient, mais maintenant, ils disent plus rien. L'air de dire, bon, bah voilà, t'es devenue moche, quoi. Et pourtant, je faisais 80 kilos pour 1m70. C'est-à-dire que j'étais juste en léger surpoids. J'étais juste dans la moyenne nationale. J'étais pas grosse. Mais dans sa tête, je l'étais. Je lui faisais honte. Je lui faisais profondément honte. Parce que dans ce milieu social, oui, effectivement, on n'est pas gros. Si je travaille en Seine-Saint-Denis, si je suis à Paris, si je côtoie pas du tout les mêmes personnes de mon milieu social, c'est notamment pour ça aussi, oui. Ici, personne ne sait d'où je viens. Personne ne sait que quand j'étais gamine, mon père il avait une Aston Martin, que j'ai grandi dans une maison qui faisait 600 mètres carrés et que j'allais en Turquie et aux États-Unis. Personne ne le sait. Ici, on me juge pas, on me connaît pas, il n'y a pas d'a priori. Je suis juste une jeune prof des écoles, c'est tout. Mais je suis juste un peu grosse, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous revendiquez ? Je revendique le droit d'être vue, de pas me cacher, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me dérange, de se cacher. D'être obligée de porter, comme les jeunes filles qui sont complexées par leur corps, des vêtements amples pour cacher son corps. Ça, c'est quelque chose qui va me déranger. Moi, j'ai envie de pouvoir porter ce que je veux, quand je veux. Par exemple, porter des décolletés chez moi, je pouvais pas parce que quand je montrais mes seins, on me disait « Oh, on dirait une vache ». Pour moi, porter des vêtements qui ne cachent pas le ventre, ou porter des pantalons taille haute où on voit la bosse du ventre, c'est politique pour moi. C'est très dur à faire. J'ai mis énormément de temps à oser le faire. Mais en partant du principe que de toute façon, je suis grosse, ça se voit. Il faut que j'assume. Parce que si j'assume, je serai mieux. Dans le sens où c'est moi qui gère. J'ai le pouvoir sur le regard qu'ont les autres sur moi. Et c'est un pouvoir qui paye. C'est un pouvoir qui paye parce que les autres sentent l'empowerment dans cette façon de s'habiller. Et aujourd'hui, être grosse, c'est aussi, bah, je suis là. Je suis là et puis merde, quoi. You know, people always say women should be thin. They should be on diet. But I don't care. I just enjoy eating. I like my coffee. With a lot of cream, I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick. C'était tous grossophobes. I like a long lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Avec Gabriel Dédier, Georges Vigarello, Catherine Grangeard, Enzo Poultreniez, Julie, Axel. Merci à la documentation de Radio France pour son précieux travail de recherche et à Émilie Chaudet pour ses conseils avisés. Prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Claire Levasseur. Une série documentaire de Rémi Libowski-Douat, réalisée par Véronique Samouiloff.